C'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuie un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant, je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi, la vie a toutes les couleurs et le goût du bonheur. Moi, en noir et blanc, je vois passer les jours comme un brouillard qui tourne et retourne. Des choses de l'amour. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu pourtant. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On ne fait plus semblant, mon cœur et moi. On a besoin de toi. Vois, je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait. Auprès de toi je me retrouverai. Aussi désemparé. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuie un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant, je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner.